بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا من المخلصين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة بعض القواعد المتعلقة بالأسماء بأسماء الله وصفاته بأسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله وذكر المصنف في هذا الكتاب بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Donc on va continuer les frères, toujours sur l'étude des noms divins. Sur l'étude des noms divins, en implorant Allah Jalla wa'ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Donc dans la dernière assise, on avait commencé la mention des noms. On avait commencé la mention des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque on sait que dans les textes, dans les sources, dans le noble Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention de noms, c'est-à-dire des noms de notre créateur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a informé au sujet de ces noms. Et dans un verset, Allah nous dit « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا » Et Allah, une traduction approximative du sens du verset, à lui détient les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Donc Allah nous informe dans son livre qu'il a des noms. Et par ses noms, on peut apprendre à le connaître. Ça fait partie des bénéfices de l'apprentissage des noms. Mais aussi par ses noms, on peut l'invoquer. Lorsque on demande le pardon, on veut le pardon du Créateur, alors là, il est pertinent et il convient à ce moment-là, lorsqu'on l'invoque, de l'invoquer par ses noms. En l'occurrence, les noms Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Par exemple, le fait qu'Allah Jalla wa'ala, parmi ses noms, il s'appelle le grand pardonneur. Et de dire Ya Ghaffar, Ighfirli, par exemple. Ya Rahim, Arhamni, oh le tout miséricordieux, le clément, fais-moi clémence. Et donc ça fait partie des bénéfices des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer, on avait commencé à les énumérer. Et donc, juste avant cette leçon, on avait pris une leçon très importante par rapport au récit où il y aurait la mention d'une liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on avait développé cette question. Et donc, pour cela, on était obligé de rentrer dans un domaine et dans une science célèbre chez les savants qui appelait Mustalah al-Hadith. Donc, est-ce que sur les derniers cours qu'on a pris, sur l'analyse qu'on a fait du récit, est-ce que vous avez des questions? Ou tout est clair? Lorsqu'on a appris Al-Hadith Al-Muttalib, on a dit qu'il y a différentes sortes de hadiths. Il y a des hadiths qui sont authentiques, c'est-à-dire qui, pour les grands spécialistes de la tradition, ces récits-là, lorsqu'il est dit authentique, on les appelle Sahih. Il remonte véritablement de voix authentique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que ce qui lui est rapporté, que ce soit une parole, un fait ou geste, on peut lui attribuer. Parce que c'est de source authentique. Comme par exemple, ce qui est recensé et compilé dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, tout est authentique. Pourquoi ? Parce que les critères et les conditions comme cela s'est différencié l'auteur de l'authentique de l'Bukhari qui s'appelait Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. lui s'est distingué par rapport à ses critères et ses conditions d'acceptation. Elles sont, on va dire, très subtiles et un peu sévères. Dans ce sens, sévères mais dans le bon sens. C'est-à-dire strict, voilà le terme plus adéquat. Elles sont strictes. C'est des conditions vraiment strictes. Pas sévères, mais strictes. Et donc, le fait que ces conditions sont strictes et plus strictes que d'autres rapporteurs, alors, l'imam al-Bukhari s'est distingué. De ce fait, il n'a son travail dans sa compilation, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'était vraiment de recenser ce qui était authentique. Pourquoi ? Parce que avant l'arrivée de l'imam al-Bukhari, vous savez qu'il y avait déjà de grands imams qui avaient déjà compilé et qui avaient déjà des recueils. L'imam al-Bukhari n'est pas le premier. Bien au contraire, il est venu après. L'imam al-Bukhari est venu après l'imam Malik. Il est venu après les quatre grands imams. Il est venu après l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il est venu après de grands imams. Donc de grands imams avaient déjà fait le Muwatta, était déjà connu et célèbre. Par exemple, le Musnad, l'imam Ahmed aussi. Et d'autres compilations. Sauf que dans des anciennes compilations et recueils de hadiths, il pouvait y avoir des hadiths authentiques comme des hadiths faibles. Et lui, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, lui a voulu faire un recueil que de hadiths authentiques. Que de hadiths authentiques. Et donc, c'est pour cela qu'on a des récits qui sont authentiques, comme vous pouvez retrouver dans l'authentique aussi de l'imam Muslim, où ces conditions aussi sont très strictes à l'imam Muslim. Pour ça, l'imam Muslim ensuite, qui était l'élève de l'imam al-Bukhari, son recueil est célèbre du fait que ces conditions sont très strictes. Sauf que la différence sur une condition très importante, l'imam al-Bukhari est plus stricte. Sinon, l'authentique de l'imam Muslim est authentique. Comme d'autres recueils qui renferment, sauf d'autres recueils peuvent refermer des hadiths faibles, des hadiths authentiques. Donc on a différents récits. On a des hadiths qui font partie de ce qu'on appelle la sunna du messager d'Allah, du prophète Sam. Ça comprend aussi bien fait, geste, parole du prophète sallam. Et on rajoute aussi approbation. Donc la sunna du prophète, c'est tout ce qui est attribué au prophète sallam, comme parole, fait, acte, geste, hein, et approbation. Parole, action, approbation, ce qu'on appelle iqrar, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ce qu'on lui attribue, comme parole, geste ou fait ou approbation, il faut que ça remonte de source authentique. Et donc, on a des récits qui sont authentiques. On a des récits considérés bons, acceptables, mais qui n'atteignent pas le degré d'authentique. Et on a des récits qui sont considérés faibles. Dans la catégorie de ce qu'on appelle daif, on avait dit, il y a les très faibles et il y a les faibles. Très faibles, on avait dit, le fait d'insister sur très faible, c'est très important parce que il y a différence entre un hadith daifun jiddan, comme on avait fait allusion à cela la fois dernière, et un hadith faible. Et donc, dans les hadiths faibles ou très faibles, ensuite, il y a des catégories. Il y a des catégories de récits par rapport à la cause. Pourquoi le hadith est faible? Et les causes peuvent être multiples. Les causes, ce n'est pas qu'une cause. Parfois, ça peut être lié à la chaîne de transmission. Parfois, c'est lié aux transmetteurs qui sont justement ces narrateurs qui sont dans les chaînes de transmission. Le narrateur, parfois, ces différentes choses qui font que son intégrité et son honnêteté dans la transmission est remis en cause, c'est pas juste une chose, ça peut être son honnêteté ou sa, on va dire, ce qu'on appelle al-adala, son intégrité, c'est ça qui peut être remis en cause, et il y a des conditions pour que l'intégrité du rapporteur soit remis en cause, ou bien parfois c'est sa mémorisation, son exactitude dans le fait de transmettre. Parfois, son intégrité est acceptable, c'est une personne connue pour sa piété, c'est une personne connue pour sa véracité, c'est une personne qui est véridique, mais ce qui est remis en cause dans les biographies, pourquoi on n'accepte pas de lui, il a une faible mémoire par exemple, de sorte qu'il ne rapporte pas avec exactitude. Ou parfois, il est rapporté que le rapporteur se trompe. Ils ont découvert qu'il se trompe. Et ça, ça remet en cause ensuite sa transmission. Donc ici, c'est pas son intégrité. Parfois, de grands imams. Hein. De grands imams, parfois. Et parfois, c'est une partie de leur vie, au départ, où leur transmission était acceptée, mais arrivé à un âge de vieillesse, ils ont commencé à toucher par ce qu'on appelle ertilat. Ils ont commencé un peu à mélanger les informations avec l'âge. Avec l'âge. Mais ce n'est pas tous. Il y en a avec l'âge, comme vous pouvez voir, de grands savants aujourd'hui. Même ils ont dépassé le tis'inat, ils ont dépassé, pardon, les 90 ans. Et ils ont toujours toute leur mémoire, alhamdoulilah, tout leur savoir, et ils ne mélangent pas. Il n'y a pas de confusion. Mais d'autres peuvent être touchés par ce qu'on appelle l'irtilat. Comment ça? Mélanger les informations avec l'âge. Avec lorsque la personne est avancée. Tout cela, ça a été pris en considération. C'était pris en considération. Nous, ce qu'on avait évoqué concernant le récit concernant où il y aurait une liste des noms divins remontant jusqu'au prophète, on a dit que ces récits-là, tout simplement pour résumer, ne sont pas, chez les grands savants, ils considèrent qu'ils ne sont pas authentiques. Il n'y a rien d'authentique remontant jusqu'au prophète Sam, où il y aura une liste des noms divins. Il y aura une liste des noms divins. Les récits qui sont rapportés, ils disent, il y a ce qu'on appelle dedans al-tirab. Et on avait bien expliqué cela. Il y a al-tirab, c'est-à-dire en français, on pourrait traduire de manière relative et approximative, une instabilité. Sauf qu'on avait dit, l'instabilité, elle peut se trouver dans la chaîne des narrateurs, transmission, comme al-tirab, il peut être dans le Sened ou bien dans le metn, ou bien dans le texte en lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie un récit, un hadith du prophète, sallam, il y a la première partie qui est la chaîne des narrateurs, ce qu'on appelle al-isnad ou bien sened, la chaîne de transmission, et la deuxième partie qui est al-hadith, le texte en lui-même. Sauf que les savants, ils vont étudier, il y en a qui sont spécialistes des chaînes de transmission, ils vont d'abord étudier la chaîne de transmission pour voir que ce qui est rapporté du prophète est véritablement authentique. Et si ensuite c'est véritablement authentique, ils vont se pencher sur le texte en lui-même. Une fois que l'authenticité est vérifiée, ensuite il y a l'explication maintenant du texte. De comprendre, d'interpréter, de commenter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce que je viens d'expliquer en quelques mots, c'est ce qu'on appelle ilm ad-diraya ou ilm ar-riwaya. C'est de savoir dans la science du hadith. C'est ce qu'on appelle ilm ad-diraya ou ilm ar-riwaya. Ou ilm ar-riwaya. C'est ces deux choses-là. Quand on étudie un hadith, on étudie ar-riwaya et on étudie ad-diraya. Ces deux choses-là. Et donc, de ce fait, dans les cours précédents, pour que ça soit plus clair, on étudiait, quand on est rentré en profondeur, parce que, à plus forte raison, ceux qui veulent apprendre, ils doivent comprendre ces questions-là. Ils doivent comprendre ces questions-là, et au moins avoir des exemples. Comme ça, ça nous facilite ensuite la lecture dans nos livres, dans les livres, lorsqu'on fait de la lecture. C'est pour ça que c'est des enseignements, alhamdoulilah, à apprendre, et souvent c'est pas enseigné. Et le fait que, c'est pour ça souvent on utilise ces occasions-là pour enseigner et donner des points importants de la science du hadith. Pourquoi? Parce que souvent c'est pas enseigné. Et donc les gens de la communauté, beaucoup de musulmans et musulmanes, ne connaissent pas le patrimoine qu'ont laissé les grands savants. Et le travail immense que les traditionnistes ont fait pour vraiment sortir ce qui est authentique de ce qui est faible, de ce qui est rapporté, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est très important. On ne peut pas attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses inventées et mensongères à son insu. On ne peut pas. C'est une injustice. C'est pour ça que l'imam muslim, dans son authentique, il commence dans l'introduction en disant, il rapporte des récits dans ce sens. Il rapporte par exemple le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Il suffit pour un homme d'être considéré menteur, de répéter tout ce qu'il entend. De répéter tout ce qu'il entend. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا an yuhaddith bi kulli ma sami'a. Et dans un autre récit, le prophète sallam, par exemple, que relate l'imam Muslim, le prophète sallam dit: man ta'ammada 'alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Que celui qui ment intentionnellement, volontairement à mon insu, dit le prophète sallam, qu'il prépare sa place en enfer. Donc mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est strictement interdit. Donc de ce fait, vérifier ce qu'on lui attribue. Donc si vous voulez vérifier ce que vous lui attribuez, alors vous allez revenir aux grandes analyses de grands érudits savants, traditionnistes, spécialistes. Mais lorsqu'ils vont vous dire « Had al-hadith muttarib », ce hadith est « fiha al-tirab ». Il y a ce qu'on appelle « tirab », il est considéré comme « muttarib ». Si on n'apprend pas ces termes-là, vous allez dire « C'est quoi muttarib ?» Le shir, le savant, dit que c'est un hadith muttarib. On ne sait pas, il est faible, il est authentique, c'est quoi un hadith muttarib? Par exemple, ils disent, vous faites une recherche sur un récit, ils disent hadith munkar. C'est un hadith qu'on appelle munkar. On ne sait pas. Un hadith munkar, c'est quoi? C'est faible, c'est authentique, c'est quel genre de récit? Un autre récit, les savants vont dire hadithun shadh. Hadithun shadh. Tel hadith, il est shadh. On ne sait pas. Si on ne sait pas c'est quoi un hadith shadh, par exemple. Ou bien, il y a des hadiths qu'on appelle aziz, mashhur, mudraj, mordal, munqati', mursal. Ça, tout ça, c'est des exemples, des termes utilisés. Et il est bon de se familiariser avec cette science-là. Ça, c'était le travail de grands traditionnistes. Sauf que ce qu'on a parlé, lorsqu'on a parlé de ça la fois dernière, c'était sur l'analyse du hadith concernant la liste des noms divins. Est-ce qu'on a une liste, comme on est en train de l'apprendre là, qui remonte jusqu'au prophète? Les savants disent que c'est faible. C'était pas l'analyse du hadith « Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhal al-jannah ». C'est pas ce hadith-là. Ça, on a dit que ce hadith, c'était autre chose, faire différence entre les deux récits. Vous le saviez de toute manière. Vous avez fait la différence. Donc, ce qu'on analysait, c'était pas le hadith. Allah lui appartient 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les apprend rentre au paradis. L'analyse du récit, c'était pas de ce hadith-là. Ce hadith-là, on l'a interprété. On a lu l'interprétation. Sauf qu'ensuite, l'analyse du récit, c'était une fois qu'on a appris dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 99 de ces noms. Si on les apprend, on rentre en paradis. Alors la question était, est-ce que on a une liste de ces 99 noms qui nous remonte au prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme ça, on a juste à prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions et la prière soient sur lui, et on a le mérite d'avoir mémorisé les noms divins. Sauf que les savants, siècles avant, on fait des recherches. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des récits? Oui. Il y a des récits où il y a la liste de noms divins. Ensuite, la question c'était, est-ce qu'ils sont authentiques ou non? Et c'est là qu'on a dit le résumé. On a pris la parole de grands savants qui considèrent, certains traditionnistes considèrent qu'il n'y a rien d'authentique. Que ça, on ne peut pas l'attribuer au prophète sans salam. Donc l'auteur ensuite, donc si tout ça c'est bien clair, l'auteur ensuite, lui, ce qu'il a fait, eh ben, il a observé dans le Coran et dans la tradition du prophète, sans salam. Pourquoi? Parce que dans la règle 5 qu'on a appris, on a appris que les noms divins sont tawqifiyya. Les noms divins sont tawqifiyya. Donc pardonnez-moi, des fois je m'assois de cette manière, parce que ça, je suis un peu mieux comme ça, mais sinon chez les ulama, chez les savants, ça ne se fait pas. Quand on s'adresse à quelqu'un, on est assis devant un savant, on lui pose une question, certains mashayikh ne permettent pas. Ils disent que ça ne convient pas. Cette manière de s'asseoir. Là, c'est juste que ça me facilite. C'est par rapport à ça. Sinon, si un jour vous trouvez devant un shir, surtout vers le Hijaz, dans les régions du Hijaz, ils n'aiment pas trop ça devant eux de s'asseoir de cette manière. Muhim. Comme par exemple, si shir, il donne un cours, Le shir, par exemple, donne un cours, le fait d'utiliser le siwak devant eux aussi, ça, ils n'aiment pas trop ces manières-là. Donc ça, c'est des manières à avoir. Chaque pays, chaque région, il y a des choses qui... Et ça, vous l'apprenez même, subhanallah, dans la science du hadith. Les narrateurs, lorsque vous parcourez certains livres de narrateurs, dans l'acceptation, les grands savants, ils ont dit à quel moment les règles, l'intégrité du narrateur, du transmetteur, est remise en cause. Son intégrité, à quel moment elle est remise en cause. Et ils ont un chapitre qu'on appelle Al-Muru'a. Al-Muru'a. Al-Muru'a, en arabe, c'est les mœurs. Les mœurs, en quelque sorte. Les traditions, les mœurs. Et certains savants considèrent que lorsqu'un homme contredisait les mœurs du pays dans lequel il vit, son intégrité est remise en cause. Lorsque je dis les mœurs, c'est vaste. Al-Muru'a, c'est plus précis en arabe. C'est plus précis. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, vous êtes dans un pays, par exemple, ça se fait de marcher avec un thé, un verre de thé à la main. Vous êtes au marché, par exemple, vous êtes dans un pays, il n'y a pas de mal. Vous pouvez marcher avec un verre de thé dans la main et marcher comme ça avec le verre de thé. Peut-être vous êtes dans une autre terre où ça ne se fait pas. Il y a, selon les positions géographiques, il y a des choses qui se font dans certains endroits et d'autres choses qui sont mal perçues dans d'autres endroits. Ensuite, sans rentrer dans le caractère fondé ou non, sans rentrer dans le débat, mais il n'y a rien de mal ou il y a quelque chose de mal, on ne rentre pas dans ce débat-là. Sauf que dans certaines terres, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a même des signes avec les mains. Quand vous vivez avec d'autres peuples, d'autres cultures, il y a des signes avec les mains que pour nous, c'est insignifiant. Pour eux, c'est ça, des caractères qui ne conviennent pas. C'est péjoratif ou autre. Donc les sens ne sont pas bons. Ça, si vous voulez, selon l'endroit où on vit, il faut connaître. Et donc, à l'époque, les savants traitaient le fait, est-ce qu'un rapporteur qui fait une chose qui ne se fait pas, est-ce que ça remet en cause son intégrité ou pas? Et ils ont détaillé ça, pour vous dire jusqu'à où que, c'est juste vous donner un exemple, jusqu'à où que ça va. Que le rapporteur, le transmetteur ne devait pas remettre en cause ça, al-muru'a. Al-muru'a, tellement que les savants c'était très strict dans l'acceptation des informations. Dans l'acceptation des informations. Alors, je vous passe le fait, c'est la personne, il est connu qu'il a déjà menti. Alors, pour les rapporteurs, qu'une personne qui était connue qu'il a déjà menti, c'était pour des grands imams impensable de prendre de lui. Comment ils vont prendre d'une personne qui a déjà menti, qui ment? Ils vont prendre de lui des paroles du messager d'Allah. C'est impensable. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez Ilm al-Hadith, et lorsque vous observez les savants de la tradition du hadith, vous allez voir que c'est des gens vraiment que, même dans leur vie de tous les jours, c'est des gens vraiment qui sont organisés, qui sont droits au niveau du comportement. Comme d'autres savants, c'est ulama al-aqida, ulama al-fiqh aussi, puisque c'est la base, ils étudient la religion, c'est pour apprendre les bons comportements et les bonnes moralités. Mais vous regardez les gens du hadith, pour eux ça c'est des choses très importantes. Donc, on revient au sujet. Vous avez vu, donc, on avait parlé du hadith des 99 noms. Ensuite, donc, le but de les apprendre, ils rentrent au paradis. On a dit que ce hadith-là, il est bon. Nous, ce qu'on voulait savoir, est-ce qu'il y a un hadith qui remonte, il y a la liste. Là, lorsqu'on a appris, on apprend que des savants considèrent que ce qui est rapporté du prophète sur la liste n'est pas authentique. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen a mentionné les hadiths. On a dit qu'il en a recensé 81 dans le Coran et 18 dans la Sunna. Il a recensé 81 noms dans le Coran et 18 dans la Sunna. Donc là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. On apprend les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En plus, avec les preuves, puisque vous avez vu, hier, donc, on avait commencé la liste. Et on était arrivé, on s'est arrêté, si je me trompe pas, à la lettre M, c'est ça? Mim, moi je dis M. Pardon, Mim, en fait. À la lettre Mim. Pourquoi? Parce que l'auteur les a classifiés par ordre de lettres. Alif, ba, ta, par ordre. Et ça, c'est très pertinent. Et donc, nous, on s'était arrêté à la lettre Mim. De regarder la ni'ma, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'asseoir et d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ajib. C'est ajib parce que on voit que c'est très peu enseigné. La connaissance et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très peu enseigné. Et si on n'apprend pas ces sujets-là, ça c'est partie des sujets les plus importants. Le croyant, lorsqu'il apprend les noms d'Allah, il ne peut pas avoir de doute que cette science, elle est honorable. Puisqu'on parle de la chose la plus honorable et louable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, de les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ces 81 noms que l'auteur a recensés du Coran, on s'est arrêté, si je ne me trompe pas, au nom Al-Muhaymin. Al-Muhaymin. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a cité hier, je vais les reciter rapidement. Comme ça, ça nous rafraîchit la mémoire de toujours réécouter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on continue à partir de Al-Muhaymin. À partir de Al-Muhaymin. Donc, je vais les dire rapidement. Rapidement. Alors, l'auteur, le premier qu'il a cité, Allah. Ensuite, on parlera de lorsqu'il cite Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu, Al-Bari, Al-Barr, Al-Basir, Al-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Hafidhu, Al-Hasibu, Al-Hafidhu, الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن. Donc ça c'est, on a fait une petite révision des noms qu'on a appris hier, enfin qu'on a mentionné hier. Et comme on avait mentionné hier, l'auteur pour chaque nom il a cité le passage dans le Coran, le verset où le nom est déduit, hein, le verset où le nom plutôt est cité dans le verset. Et là on voit que là c'est très pertinent parce que celui qui les apprend, il peut les apprendre avec les versets. Mais celui ensuite qui les a appris, plus tard il oublie les passages du Coran. Mais il sait que les noms qu'il a appris, ils sont cités, relatés dans des passages du Coran. Puisque lui à la base, il a appris, mais il peut ensuite oublier les versos, les passages dans le Coran qui a la mention de ses noms, mais s'il a retenu les noms, lui il sait qu'il les a appris à partir du Coran et de la tradition du prophète, ce qui est très pertinent. C'est pour ça que le travail de l'auteur est vraiment très pertinent. On continue Donc on s'était arrêté à Al-Muhaymin et on devait reprendre à la lettre Noun. Et donc pour le, on avait dit pour la lettre Mim, il a cité, on avait dit 14. 14 noms. Donc lettre Mim, il y a différents noms, il y a beaucoup de noms à lettre Mim. Noun, on en a un. Noun, on en a un, c'est An-Nasir. An-Nasir. Ni'ma al-Mawla wa ni'ma an-Nasir. Et bon, après ça, c'est dans la règle, les règles de Tajwid, lorsqu'on récite le Coran, vous savez que le, par exemple, parfois la finalité selon la lettre, ça peut s'arrêter sans qu'on farram. Donc parfois il faut raqqaq la lettre. Par exemple, lorsque ça termine avec un, le mot termine avec un ra, il faut pas farram le ra s'il est précédé d'une kasra. S'il est précédé d'une kasra. C'est pour ça qu'on dit pas nasir ou kabir. Vous avez vu le fait de farham le ra, dans la lecture du Coran, là, du fait qu'il y a le son i qui précède, il faut le ra, il faut qu'il soit muraqqaq. On appelle ça muraqqaq. Le citer légèrement, sans insister. On ne dit pas kabir. Akbar si. Allahu akbar. On entend bien le ra. Il est ce qu'on appelle mufakham. Tandis que là, kabir. Nasir. Il ne faut pas fakham le ra. Ça, c'est selon les règles de Tajwid. Dans la lecture, lorsque vous lisez le, lorsque vous récitez le Coran. Ensuite, donc on en a un, on a dit, pour la lettre Noun, tirée du verset dans Sourate Al-Anfal, où Allah dit « Ni'ma al-Mawla wa ni'ma an-Nasir ». Et là, en plus, on a deux noms, puisque « Ni'ma al-Mawla », on l'avait pris dans la lettre Mim, « Al-Mawla » fait partie des noms d'Allah, Azza wa Jal, « Al-Mawla ». Et on a un autre, « Nasir ». Ni'ma al-Mawla wa ni'ma an-Nasir. Ensuite, on a Al-Wahid. Al-Wahid. C'est pour cela que tous ces noms qu'on entend parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, vous avez vu déjà, lorsqu'ensuite on appelle pour dénommer une personne, nommer une personne, par exemple, on utilise Abd. Et ici, par exemple, on pourrait dire Abd al-Wahid. Abd. Al-Wahid, le serviteur de Al-Wahid, et utiliser les noms d'Allah. Et utiliser les noms d'Allah dans ce qu'on appelle Al-Ta'bid. Al-Ta'bid. On a ensuite, donc Al-Wahid, on peut le voir dans le verset de Surat Ghafir, le verset 16. Liman il-mulk li-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Dans ce verset et dans un autre verset, wa huwa al-wahid al-qahhar. Al-Warith, Al-Warith. On a notre nom dans le Coran, Al-Warith. Dans le verset où Cheikh le déduit à partir du verset lorsqu'Allah dit wa inna la nahnu nuhyi wa numit, wa inna la nahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun. Et le tire de ce verset, wa nahnu al-warithun, de ce verset, subhanallah. Vous avez vu de d'où Cheikh il a tiré ce nom, al-warith, dans le Coran. Lorsqu'Allah dit wa inna la nahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun. Ensuite, ça c'est les noms avec la lettre qui commence par al-waw, al-wasi'a, al-wasi'a. Donc Al-Wasi' aussi fait partie des noms d'Allah. Al-Wasi' li qawlihi ta'ala wa kana Allahu wasi'an hakiman. Wasi'an hakiman. Et dans un autre verset, inna Allaha wasi'un 'alim. Donc Al-Wasi' il fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, nous, ce qui nous manquera, ce qui nous restera, c'est d'essayer ces noms-là de les comprendre. Il y a des livres qui ont été rédigés par des savants ou des cours qui ont été faits par de grands savants qui nous expliquent justement le sens de ces noms. Nous, parfois, juste en donnant une traduction, ça ne va pas nous donner vraiment le sens vraiment du nom. Hello Alice, par exemple, dans la traduction, ils disent, c'est pour ça, les, pour Al-Wahid, c'est l'unique. Al-Wahid, c'est l'unique. Et pour Al-Walith, ils traduisent par l'héritier. Dans une autre traduction, l'héritier suprême. L'héritier suprême. Al-Wasi', celui qui a la grâce immense. Al-Wasi', certains traduisent, expliquent comme étant celui qui a la grâce immense. Ensuite, on a Al-Wadoud, qui est célèbre. Al-Wadoud, parmi les noms d'Allah. Wahou al-Ghafour al-Wadoud, comme dans le verset. Dhul Arsh al-Majid, Al-Wadoud. Al-Wadoud, certains le traduisent comme étant le tout affectueux. Le tout affectueux, ça reste approximatif. Hein. Ensuite, on essaiera, si Allah nous le permet, de faire une explication. Si dans une assise, on peut, Inch'Allah, on essaiera de faire une explication, Inch'Allah, des noms divins, de les réviser, d'en faire une explication. Ensuite, Al-Wakil, parmi les noms d'Allah, Al-Wakil, tiré du verset, Wakafa billahi wakila. Et dans un autre verset, Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc, Al-Wakil, qui est souvent traduit par le garant. Le garant. Ensuite, on est toujours dans les waw, Al-Wali. Al-Wali, fallahu huwa al-wali. Et donc, al-wali, dans un autre verset, wa huwa al-wali yul hamid. Wa huwa al-wali yul hamid. Donc là, al-wali, il est lié avec un autre nom, il est cité de manière conjointe avec un autre nom. On va voir, ça va venir parmi les règles. Shir ensuite, si parmi les règles, il va évoquer lorsque, parfois, il y a la mention de différents noms, plus d'un nom qui sont cités de manière conjointe. D'une manière conjointe. Et ensuite, on a donc Al-Wali, qui est souvent traduit par le maître. Et on a Al-Wahhab. On a Al-Wahhab. Donc le maître aussi, on pourrait dire, dans le sens de l'allié. Le maître Al-Wali, l'allié. Ensuite, on a Al-Wahhab. Al-Wahhab. Dans le verset, innaka antal wahhab. Al-Wahhab, c'est le grand donateur. Al-Wahhab, c'est le grand donateur. Et ce par là, c'est le dernier. C'est le dernier parmi les 81 cités dans le Coran. L'auteur a terminé avec Al-Wahhab. Al-Wahhab. Donc là, vous avez vu, avec cet ordre-là, ça facilite pour l'apprentissage. Ça facilite pour l'apprentissage des noms d'Allah. Donc là, l'auteur, comme on a dit dans le Coran, il en a recensé 81. Maintenant, il va commencer dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va recenser, mentionner les 18. Les 18 qu'il a trouvés et que lui considère. Sauf que parfois là, à ce niveau-là, il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat chez les savants. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'il soit recensé, tiré de hadiths authentiques. Et parfois, il peut y avoir divergence sur le degré du récit. Sur le degré du récit. Donc c'est pour cela. C'est le travail qu'a fait l'auteur est très minutieux et aussi c'est subtil et aussi il faut être prudent. Ça demande la prudence, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment analyser les textes. C'est pour ça que vous allez voir dans les différentes éditions ensuite, il y a les marajia, il y a les références des hadiths que va citer l'auteur, avec même parfois certains débats vraiment sur les hadiths, est-ce qu'ils sont authentiques ou non? Pourquoi? Parce que là, C'est subtil du fait que du récit, on va tirer, apprendre un nom parmi les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'auteur, on voit qu'il a, il a été très prudent. Il a été très prudent et lui-même ensuite va l'expliquer. Alors dans la sunna, on cite déjà, avant de citer les preuves qu'il va citer, on les cite. On cite ce qu'il a trouvé dans la sunna. Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Al-Rabbu, Al-Rafiqu, Al-Subbuh, Al-Sayyidu, Al-Shafi, Al-Tayyibu, Al-Qabidu Al-Basitu, المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. Ça c'est les 18 que l'auteur a recensé. Les 18 que l'auteur a recensé. Donc maintenant on va prendre son propre commentaire. Parce que vous avez vu, dans le metn, dans l'écrit, dans l'œuvre de l'auteur, il va pas citer là les hadiths, il va pas citer ses sources, mais c'est dans le commentaire. C'est ça que c'est très pertinent. Par exemple, pour les noms d'Allah Azza wa Jal, il a cité les noms, il a cité la liste des noms qu'il a recensés, mais il a pas cité les versets. Les versets, ce qu'on a lu, c'est de ça, c'est de son commentaire, c'est son explication. De même, dans la sunna, il va expliquer son travail. Il va dire où est-ce qu'il a tiré ces noms-là, et d'où est-ce qu'il les a pris, ces noms-là. Donc il dit, le premier qu'il a cité, c'est El-Jamil. Le premier qu'il a cité, c'est El-Jamil. El-Jamil. El-Jamil, pourquoi? Pourquoi il l'a recensé parmi les noms d'Allah, El-Jamil? Parce que, comme il va l'expliquer, il dit El-Jamil, c'est par rapport au hadith. Un hadith qui est rapporté où le prophète a dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Certes Allah, regardez si on reste en arabe, Allah est jamil et il aime al jamal. Donc on pourrait traduire de manière relative, Allah est beau et aime ce qui est beau. Pourquoi je vous dis que c'est très minutieux le travail qu'a fait l'auteur, puisqu'on a le récit mais ensuite, il faut avoir la connaissance, la maîtrise de pouvoir dire que ce qui est cité là, c'est un nom. Parce que ce hadith-là, beaucoup d'entre vous le connaissiez. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau et est ce qui est beau. Mais est-ce que ça voulait dire que c'est un nom sublime? Allahu a'lam. Mais Sheikh, lui, c'est pour ça que c'est une observation minutieuse, Sheikh, là, et comme d'autres savants aussi, considère que dans ce hadith-là, il y a la preuve que El-Jamil fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Que El-Jamil, le beau, fait partie des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On a El-Jawad. El-Jawad. Fil hadith, El-Qudsi, bi-anni Jawadun Majid. Bi-anni Jawadun Majid. Alors, Al-Jawad, c'est le très généreux. Traduction approximative et relative. Al-Jawad, le très généreux. Et ça, Sheikh, il l'a pris dans un hadith divin. Donc, hadith divin, on ne va pas rentrer dans les détails du hadith divin, d'explication, puisqu'on l'a déjà fait dans les cours précédents. Mais le hadith divin, c'est quoi? C'est une parole que le prophète rapporte d'après le Créateur, d'après Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète nous dit, Allah a dit. Mais ce n'est pas du Coran. Ça ne fait pas partie des versets du Coran. Et là, dans un hadith divin, le prophète nous dit qu'Allah a dit, bi anni jawad. Je suis certes jawad. Jawad majid. Jawad majid. Vous avez vu, par exemple, dans le Coran, On a Al-Majid. On a Al-Majid. Là, dans le hadith, c'est Majid. Vous avez vu? Majid. Dans le Coran, c'est le nom qui est recensé dans le Coran, c'est Al-Majid. Al-Majid. Taïb. Ensuite, après le Jawad, Al-Hakam. Cheikh, il a trouvé dans un hadith Al-Hakam. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح إن الله هو الحكم. C'est par rapport à un hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit certes Allah est le hakam. Certes Allah est le hakam. Par contre, j'ai oublié de vous dire à chaque fois les références des récits. J'ai oublié à chaque fois de vous dire les références du récit. En ce qui concerne le premier nom Al-Jamil, Al-Jamil, il est dans l'authentique de l'imam Muslim le récit. Le récit il est dans l'authentique de l'imam Muslim. En ce qui concerne Al-Jawad, bi anni Jawadun Majid, le hadith qu'on vient de mentionner, le hadith divin, il est dans la compilation de l'imam dans les Sunan de Tirmidhi. On retrouve ce hadith dans les Sunan de Tirmidhi. Fi kitab sifat al-qiyama, dans le livre concernant la description de la résurrection. Wa l'imam Tirmidhi hassanahu, il l'a jugé bon. Et on le retrouve aussi dans les Sunan de Ibn Majah, dans le livre du Zuhd, de l'ascétisme. Et on le retrouve aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, et dans le Bayhaqi, fi al-Shu'ab. Le hadith concernant Al-Hakam. Le hadith concernant Al-Hakam qu'on vient de dire, que le prophète a dit qu'Allah est Al-Hakam, on le retrouve dans les Sunan d'Abi Daoud. Dans les Sunan d'Abu Daoud, dans le livre de l'Adab. Dans le livre des moralités. Ensuite, il a cité Al-Hayyi. Donc, en ce qui concerne Al-Hakam, Al-Hakam, il est traduit comme étant le juge équitable. Al-Hakam, le juge équitable. Al-Hayyu. Al-Hayyu, le parce que là, c'est pas Al-Hayy. C'est Al-Hayyiyu. Al-Hayyiyu. Et c'est la différence avec Al-Hayy. Pourquoi? Parce que Al-Hayy, ça c'est le vivant. Mais celui-là, il est dans le Coran. Al-Hayyu Al-Qayyum. Celui-ci, il est dans le Coran. Sauf que celui qui va citer dans la Sunna, c'est Al-Hayyiyu. Différence avec Al-Hayy. Al-Hayyiyu. Regardez, il tire Al-Hayyiyu du hadith où le prophète Sam a dit Inna Allaha Hayyiyun Karimun. Hayyiyun Karimun. Lakin Al-Hayyiyya Ghayrul Hayy. Fal-Hayyiyu min Al-Hayya. Wal-Hayyu min Al-Hayyat. La différence entre Al-Hayy ou Al-Hayyiyu, vous avez vu en arabe, c'est qu'Al-Hayy, qu'on retrouve dans le Coran, ça c'est le vivant, parce qu'il vient du mot Al-Hayya, la vie. Al-Hayya. Donc le vivant, on dit Allah est le vivant. Al-Hayy. Lorsqu'on dit Ya Hayyu Ya Qayyum, par exemple, Bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'anana kulla, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. On invoque souvent là par Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sauf que dans la Sunna, il a trouvé Al-Hayyiyu. Ça, ça vient de Al-Hayya, la pudeur. Ça vient de Al-Hayya, de la pudeur. Comment le traduire, Allahu A'lam? Moi, je ne m'avancerai pas à dire ça. Allahu A'lam. En tout cas, ça vient de ce terme-là. On pourrait le dire, hein, Allahu A'lam. Il faut revoir le mot en français. Véritablement, si vous voulez, il y a des termes en français qu'on connaît. On connaît les sens du mot en français. Mais parfois, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants du mot. Parfois, le mot, il peut avoir une connotation. C'est ça qu'il faut vérifier avant de l'utiliser. Wallahu a'lam. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la traduction, dans les noms concernant la sunna, là, ils ont fait l'erreur, ils ont mis al-hayy, le vivant. Al-hayy, le vivant. Or, al-hayy, le vivant, il était dans la partie des noms dans le Coran. Et là, en bas, on est dans la partie des noms dans la sunna. Et c'est pour ça, lorsque je voulais vérifier la traduction, j'ai vu le vivant. Or, ils ont traduit al-hayy. Et ici, dans la sunna, l'auteur, ce qu'il a trouvé, c'est al-hayyiyu. Vous savez, c'est minutieux. Ensuite, le nom d'après, ar-rabbu. Ar-rabbu. Donc là, célèbre, hein, le Seigneur. Ar-rabbu. Il a tiré du hadith, fa'amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Et il cite le hadith où le prophète sallam a dit, et en ce qui concerne l'inclinaison, dans l'inclinaison, scandez la grandeur, quelque sorte, l'immensité du Seigneur, Ar-Rabb. Il cite aussi le hadith de Aïcha, le hadith où le prophète sallam a dit que le siwak, c'est une purification pour la bouche, c'est le bâton d'arak avec quoi on se frotte les dents, c'est une purification pour la bouche et ça rentre dans l'agrément, la satisfaction du Seigneur, Ar-Rabb. Ensuite, il cite Ar-Rafiq. Ar-Rafiq, qui est souvent traduit par Ar-Rafiq, celui qui accompagne. Et Ar-Rafiq, il a tiré du hadith Inna Allah Rafiqun. يحب الرفق في الأمر كله في الأمر أو في الأمر كله كله. Ce hadith là, il est rapporté dans les Sunan de Nasa'i, dans Kitab, dans les Sunan de, ou plutôt dans le Sahih de l'imam Bukhari. Il est recensé dans Al-Bukhari, celui-ci, et dans l'authentique de l'imam Muslim. Ensuite, As-Subbuh, il cite As-Subbuh, As-Subbuh fi du'a al-ruku'i wa-sujud, Subbuhun Quddus. Ça, il a tiré du du'a qu'on dit dans les inclinaisons et dans la prosternation. Du'a qui est rapporté lorsqu'on dit Subbuhun Quddus, Subbuhun Quddus. Donc, Sheikh a déduit de ce hadith que Subbuh fait partie des dons d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il cite As-Sayyid. As-Sayyid. Dans le hadith, donc pour Subbuh, c'est authentifié dans l'authentique de l'imam Muslim. Et en ce qui concerne ce hadith-là, Inna Allah huwa As-Sayyid. Certes, Allah est le Sayyid. As-Sayyid traduit souvent par le maître. Par le maître. Et ça, c'est confirmé dans le hadith, dans les Sunan de Abi Daoud. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ensuite, on a Al-Shafi. Al-Shafi. Tiré du hadith Washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk. Dans la dua pour celui qui est malade. Ishfi, guéris car tu es celui qui guérit. Al-Shafi, celui qui guérit. La shifa'a, il n'y a point de guérison, illa shifa'uk, si ce n'est la tienne, si ce n'est ta guérison. De ce hadith-là, Sheikh, il a déduit que Al-Shafi fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a At-Tayyib. At-Tayyib, le At-Tayyib, le bon. Une traduction relative. At-Tayyib, l'infiniment bon. At-Tayyib. Et ça, il le tire du célèbre hadith. Inna Allah at-Tayyib la yaqbalu illa at-Tayyiba. Inna Allah at-Tayyibun la yaqbalu illa at-Tayyiban. Illa at-Tayyiban. Certes, Allah est l'infiniment bon et n'accepte que ce qui est bon. Vous avez vu, il a déduit de ce hadith-là que at-Tayyib fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith-là, il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Ensuite, après Taïb, il a cité Al-Qabidu al-Basit. Al-Qabidu al-Basit. Fi hadith Anas, radiallahu ta'ala, an hina ghala al-Sigru, faqalu ya Rasulallah, Sigra lana au Sa'ir lana. Inna Allah wa al-Qabidu al-Basit. Et donc, il l'a tiré de ce hadith qu'on vient de citer lorsque le prophète il a dit Allah est certes al-Qabidu al-Basit. Ensuite, il cite Al-Muqaddimu al-Mu'akhir. Al-Muqaddimu al-Mu'akhir fi salat fi du'a. Dans la prière, dans le du'a, lorsqu'on dit Allah al-Muqaddim wa anta al-Mu'akhir. Ou plutôt, on dit Anta al-Muqaddim wa anta al-Mu'akhir dans le du'a, qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Ensuite, donc il en reste 4. Il nous en reste 4 pour terminer. Il cite Al-Muhsin. Al-Muhsin. Al-Muhsin, si l'on traduit par le bienfaiteur, traduction approximative, Al-Muhsin. Ça, Al-Muhsin, il va tirer du hadith Inna Allaha Muhsinun yuhibbul ihsan ala kulli shay. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Il va citer la partie du hadith où le prophète dit certes Allah est muhsin. Allah est muhsin, yuhibbu l'ihsan. Allah, une traduction relative, il est muhsin, bienfaiteur. Il aime l'excellence, la bienfaisance. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, en toute chose. En toute chose. وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنَ الْأَسْمَى. Il dit que Cheikh Sam Taimiya, il l'a considéré parmi les noms sublimes. Al-Muhsin. Il l'a considéré parmi les noms sublimes. Et il dit, j'ai vu aussi, Cheikh dit, j'ai vu aussi, que dans le Musannaf de l'imam Abdurrazzaq, que cela est rapporté à An-Shaddad ibn Aous, que le prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, que cela est rapporté d'après le prophète. وجدته أيضا في مصنف عبد الرزاق عن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم برقمي. Il va citer le numéro du hadith « وَالظَّهِرُ لِي أَنَّهُ صَحِيح » Et il dit « Pour moi, mon avis, c'est qu'il est sahih le hadith. » Donc par exemple, sur le Muhsin, il peut y avoir divergence. Sur certains noms qu'on a dit là, il peut y avoir divergence. Par exemple, sur « Al-Rafiq »,« Al-Tayyib », le Muhsin par exemple, il n'y a pas forcément unanimité. Il peut y avoir certains savants qui ne l'ont pas recensé, qu'ils n'ont pas recensé par exemple le Muhsin, parmi les noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si on diverge sur un nom, ou si les savants divergent sur un nom, sur l'affirmation d'un nom, ça ne veut pas dire qu'ils ont divergé sur la règle. La règle, c'est l'affirmation des noms d'Allah, azza wa jal. Ensuite, par exemple, ils peuvent diverger sur un nom. Du fait que, par exemple, on va vérifier sur le hadith concernant Al-Muhsin. Il est rapporté par Rawat Tabarani. Rawat Tabarani min hadithi Abi Qilaba an Abi al-Ash'ath as-San'ani an Shaddad ibn Aws marfu'an wa isnaduhu hasan. Et le hadith il est considéré bon. Il est rapporté d'après un homme qui s'appelait Abu Qilaba d'après Abu al-Ash'ath, que lui, il rapporte d'après Shaddad ibn Aous, et cela remonte jusqu'au prophète. Pour cela, pour Al-Muhsin, certains disent que le hadith est bon. Mais ensuite, même lorsque le hadith il est considéré bon, ensuite, c'est l'analyse des savants. Ensuite, est-ce qu'ils vont le considérer parmi les noms d'Allah? Mais comme le prophète dit, certes, Allah est Muhsin, yuhibbul ihsan, ils l'ont considéré parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont analysé ce hadith-là sur Al-Muhsin, ils disent qu'il est confirmé, le Muhsin, le terme Muhsin, il est confirmé par trois compagnons. Par le hadith de Shaddad ibn Aws, ce qu'on vient de citer. Et ça, on a dit, c'est rapporté dans Tabarani, fil Mu'jam al-Kabir, dans Tabarani, et Abd al-Razzaq, fil Musannaf, fil Musannaf. Et le deuxième, c'est An Anas. Le deuxième, c'est rapporté An Anas, comme l'a rapporté Abu Nu'aym. Abu Nu'aym fi Tarikh Asbahan. C'est rapporté par Tabarani aussi, At-Tabarani, fil Mu'jam al-Awsat, Wanzur Majma al-Bahrain, fi Zawaid المعجمين وقال الهيثمي في المعجم رجال وثقات والهيثمي et le grand savant l'imam al-Haythami il dit que رجال وثقات ce qui est rapporté par qui remonte jusqu'à Anas jusqu'au prophète ils disent puisqu'on a dit le premier compagnon comment ça Shaddad ibn Aws on a dit que c'est considéré comme bon la deuxième compagnon c'est rapporté d'après Anas C'est rapporté par Abu Nu'aym, fi Tarikh Asbahan, ou par Tabarani. Al-Haythami dit que tous les hommes de la chaîne de transmission qui remontent jusqu'à Anas sont thiqat. C'est des gens fiables. Et le troisième, c'est Hadithun Samura. Hadithun Samura. Ou Akhrajou Ibn Adi. Et ça, vous le retrouvez celui-ci dans Ibn Adi, fi Kitab, fi Al-Kamil, fi Al-Du'afa. وقال الحافظ المقدسي والذي رتب في أحاديث الكامل وقال عنه الذهبي في مقدمة الميزان قال المقدسي عقب الحديث رواه جماعة أو مجاعة من الزبير ابن الحسن عن سمرة رواه مجاعة Ibn Zubayr, An al-Hasan, An Samura, wa Muja'a fihi shay. Qultu wa Muja'a, qad da'afahu ad-Darqutni kama fi al-Mughni lidh-Dhahabi. Wa qala al-Imam Ahmad lam yakun bihi bas fi nafsihi kama fi jarh wa at-Ta'dil ibn Abi Hatim. Wa qala Ibn Adi fi al-Kamil huwa mumkin yahtamil wa yaktub. Wa mumkin yahtamil wa yaktub haditha. Intaha kalamu wa naqalahu anhu fi al-lisan. En ce qui concerne ce qui remonte jusqu'à Samura, fi nadar. Il y a une réflexion par rapport aux deux autres. Sinon, c'est rapporté de ces trois-là. Wa hukm al-hadith al-muhim, en résumé, le jugement concernant ce récit-là, il est jugé authentique par l'un des grands spécialistes contemporains dans les traditions, par Sheikh al-Albani. Il est jugé authentique par Sheikh al-Albani fi Sahih al-Jami' as-Sarir. Et là, j'ai vraiment résumé. Hein. Je fais très vite pour qu'on puisse conclure, on termine les noms. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est pour savoir est-ce que le nom al-Muhsin, il est confirmé. Et là, on a vu que beaucoup de savants considèrent cela authentique et c'est confirmé de trois compagnons. Shaddad ibn Aws, on a dit Anas et on a dit Samura. Donc, al-Muhsin est, le nom al-Muhsin est confirmé. C'est pour ça qu'on va beaucoup s'appeler Abd al-Muhsin. Abd al-Muhsin. Ensuite, l'auteur, donc il nous en reste trois, Al-Mu'ati. Al-Mu'ati, celui qui donne. Ça veut dire Al-A'ta. Al-Mu'ati. Comment on considère qu'Al-Mu'ati fait partie des noms d'Allah? Ici, dans le hadith, j'ai fait qu'au Rasul sallam, Innama ana Qasim, Wallahu Mu'ati. Mu'ati. Et ça, c'est confirmé dans le hadith, lorsque le prophète il dit « Moi, je suis Qasim et Allah est Mu'ati. » Et Allah est Mu'ati. C'est comme si qu'il dit, « Wallahu alam si c'était le voulu du prophète, ça, sa apparence, c'est comme si le prophète dit « Lui, il est Qasim, celui qui partage, et Allah est celui qui a donné. » Et Allah est celui qui a donné, Al-Mu'ati. Et on va dans le dua lorsqu'on dit « Allah هو المانع والمعطي كالله il est le mani et il est le mu'ti la mani'a lima a'tayt la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't lima mana't ensuite l'avant dernier al mannan donc lui cher confirme lui constate qu'al mannan fait partie des noms d'Allah وجاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منان بديع السماوات والأرض يا منان Pourquoi? Parce qu'il est dans un hadith, il est confirmé que le prophète a appelé Allah en disant Ya Mannan, Ya Mannan, Badi'u As-Samawati Wal-Ard. Ça, c'est donc, on a dit, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. En ce qui concerne celui d'avant, Al-Mu'ti, c'est confirmé dans le Bukhari. Le hadith, il est confirmé dans le Bukhari, mais le hadith est Mu'awiyah. Taïb. Et vous avez vu le célèbre hadith, Ida arad Allahu bi abdi khayran yufaqihu fi din. Vous avez vu ce hadith? Regardez. Min hadith Muawiyah radiallahu ta'ala anhu marfouhan. Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Vous voyez, c'est la suite de ce hadith-là. Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il lui enseigne la connaissance de la religion. Et ensuite, le prophète a dit, Allahul Mu'ti, Allah c'est le Mu'ti, wana, et il dit, moi je suis Al-Qasim. Je suis Al-Qasim. وَلَا تَزَلُ هَذِهِ الْأُمَّ ظَاهِرِينَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ. Il restera, le prophète ensuite dit, toujours, ne cessera toujours d'avoir des membres de ma communauté apparents, sur la droiture, en quelque sorte. عَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ, par rapport à ceux qui les contrediront jusqu'à l'arrivée de l'ordre d'Allah wa hum zahirun. Ensuite, pour terminer, Al-Mannan, par contre, il est confirmé dans les Sunan d'Abu Daoud et Tirmidhi ou An-Nasa'i d'après Anas. C'est Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحديث. طيب. Donc ça c'est confirmé dans ce hadith là. C'est Anas qui dit qu'alors qu'un jour j'étais avec le messager d'Allah, jalisan, j'étais assis, wa rajulun yusalli, et un homme qui priait. Ensuite fada'a, il invoque Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa ant al-mannan. Et c'est al-mannan badi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Et pour terminer, le dernier, al-witr. Alors, al-witr, il est confirmé dans un hadith Inna Allah witr yuhibbu al-witr. Inna Allah witr yuhibbu al-witr. Et voilà, il termine par ce nom-là. Nous, on continuera, Inch'Allah, la prochaine assise, Bidhillah. Et là, l'auteur nous fera part de ses hésitations. Comme on a dit, par exemple, il a hésité pour recenser le nom Al-Hafi. Par exemple, il va dire que pour le Hafi, Itral Al-Hafi, il a eu une hésitation. Par rapport à celui-ci. Taïb. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم